Je ne sais pas d'où je viens, ni où je vais. Je dérive au gré du vent d'été. Je m'efforce de ne pas trop m'éloigner. Les hommes ne sont ni forts ni mauvais. Oh, bien sûr, dans ma vie, j'ai pas tout bien fait. Y a même des fois où j'aurais dû pas exister. C'est glisser.